Dans un salon d'un appartement royal du palais, encombré de malles, deux personnages causaient. L'un, assis sur une de ces malles, portait sur un côté de son élégant uniforme le crachat de brillant de l'ordre de Saint-Dominique et à son col la toison d'argent. C'était le prince René, héritier de la couronne d'Hypérie. L'autre, vêtu d'une simple jaquette noire, qui se tenait debout, un peu adossé à un fauteuil, c'était le valet de chambre du prince Urbain, un Parisien pur sang. Pas drôle, en effet, comme le dit Votre Altesse, ce voyage diplomatique, opinait Urbain, mais tout de même, monseigneur, ce séjour à Paris. Entre notre ambassadeur, les réceptions officielles et surtout le charmant général Gormas, attaché à ma personne, ah, monseigneur, conseilla Urbain avec une grimace, le général Gormas, comme compagnon de route. Cet homme raide comme un sabre. Je comprends en effet la mélancolie de Votre Altesse depuis avant-hier. Non, tu ne la comprends pas, c'est autre chose, une affaire de cœur, Urbain. Oh, oh. Votre Altesse ne prononce-t-elle pas là un bien gros mot? Je ne crois pas. Cette jeune inconnue, si blonde, si fine, si jolie, si gracieuse, que j'ai rencontrée égarée dans le parc. Eh bien, Urbain, son souvenir s'est gravé en moi d'une façon si douce, si profonde. Et savoir que je ne la reverrai probablement jamais. À ce moment, la tirade sentimentale du prince René fut coupée par l'entrée d'un grave personnage, d'aspect rigoureusement protocolaire, sanglé dans un uniforme de général, dont la poitrine était sabrée du grand cordon de l'ordre d'Hypérie. « Bonjour, Gormas, » dit le prince assis sur sa malle. Le protocolaire personnage en eut un petit haut-le-cœur, mais n'en fit pas moins claquer ses talons. « Daigne votre Altesse royale agrémer respectueuses salutations, » formula-t-il en saluant. « C'est peut-être l'heure, Gormas. S'il plaît votre Altesse, on va venir enlever le bagage. Le sud-européen, auxquels ont été attachés de wagons et taquets. Mais peut-être serait-il bon que Votre Altesse devance de quelques minutes l'heure fixée pour « me livrer aux salutations des corps diplomatiques !» soupira le prince. « Mais sans aucun doute, Altesse. Allons !» Sur le quai, en effet, devant le wagon royal, le prince trouva les groupes officiels qui venaient le saluer et lui distribuer à droite et à gauche des paroles aimables et des saluts protocolaires. Mais soudain, devant l'ambassadeur d'Angleterre effaré, il s'arrêta net au milieu d'une phrase, le regard exclusivement capté par une fine silhouette féminine qu'il venait d'apercevoir à une dizaine de pas de là sur le quai d'embarquement. C'était la délicieuse inconnue du parc, qui se dirigeait, suivie d'un porteur, vers la portière d'un wagon. Tournant les yeux vers le prince, entouré de ses hauts dignitaires, Marise eut un arrêt. L'espace d'une courte seconde, elle eut, sous son coquet chapeau de voyage, un léger haussement de sourcils et ne put, en reconnaissant lui le jeune homme du parc, réprimer un petit tressaillement. Dès cet instant, le corps diplomatique cessa d'exister pour le prince René. Il serra des mains au hasard, avec une effusion qui ne laissa pas d'être flatteuse pour les intéressés. Un vieil homme d'équipe, qui se faufilait timidement entre deux groupes de hauts dignitaires, pour aller inspecter un frein, manqua de rien d'être l'objet de cet honneur qui eût été le couronnement de toute sa carrière. De salut en salut, le prince se retrouva au marchepied de son wagon, où l'attendait le général Gormas, plus raidi et plus protocolaire que jamais, et Urbain, qui avait saisi le manège, imperceptiblement goguenard. L'instant d'après, le prince, dans son wagon, reparaissait à la portière, dispersant, tandis que le train s'ébranlait, de nouveaux saluts, cependant que son regard se coulait vers un autre wagon du convoi, à une portière duquel était penchée une charmante tête blonde dont le joli visage était tourné de son côté.